Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie française sympathique. Un beau matin de printemps, Émilie reçoit une lettre d'amour, belle, inspirée, mais anonyme. Elle la jette d'abord à la poubelle, avant d'y voir le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais Émilie ne sait pas encore que c'est Jean, son employé timide, qui en est l'auteur. Elle n'imagine surtout pas que son geste les projettera dans une suite de quiproquos et de malentendus qui vont vite tous les dépasser. Émilie, je ne vis que du bonheur de vous regarder. Vous me croisez parfois et vous ne savez pas que chaque frôlement est une souffrance. Cette lettre ne vaut rien car elle n'est pas signée. En espérant qu'elle vous enivrera peut-être du seul bonheur de vous savoir aimer. Il faut que t'arrêtes avec papa. Ça fait 4 ans qu'il est parti, il ne viendra pas. Je sais que tu voudrais que je rencontre quelqu'un de bien qui m'aime. Moi-même, quelqu'un de pas bien. J'ai voulu leur donner un peu de force. Elle est anonyme. J'ai recopié et je l'ai envoyée. J'ai reçu une lettre. Une lettre d'amour. Inspirée, émouvante. C'est formidable. Ça fait un ange qui t'a écrit cette lettre. Ça fait 5 jours que j'attends le facteur. T'attends une autre lettre? Toi, si tu recevais une belle lettre d'amour qui te bouleverse, t'en attendrais pas une deuxième? M'a dit. Bah, il t'a écrit, non? Je vois pas pourquoi t'es déprimée. Ouais, c'est nul. C'est frigide. Ça se dit pour une lettre, hein? Pour celle-là, sûrement. De vrais mensonges. Avec Audrey Toutou et Nathalie Baye, un DVD Fox Pater repas.